La chronique bien-être. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez sur le 94.7 à Amboise, 93 à Mont-Louis. Vous êtes sur Radioactive, nous sommes vendredi, début d'après-midi, et c'est l'heure de retrouver la chronique bien-être avec Antoine Joulin, sophrologue. Salut Antoine. Bonjour Marlène, bonjour Radioactive, bonjour à tous les auditeurs. Alors une fois n'est pas coutume, on reçoit également dans cette émission de nouveau un invité. Exactement, c'est important de partager et de faire partager certaines disciplines. Donc aujourd'hui, on va recevoir Johan Joubert, spécialiste en lithothérapie. Bonjour Johan. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Johan. Très content d'être ici parmi vous. C'est partagé. Et est-ce que tout simplement déjà on pourrait commencer par qu'est-ce que c'est la lithothérapie pour nos auditeurs? Oui, la lithothérapie. En fait, c'est l'art de soigner avec les pierres. Dans lithothérapie, il y a lithos, qui signifie pierre, et thérapie, qui signifie du coup soin. Donc voilà. Ok, impeccable. Et en fait, ça fonctionne comment? Parce qu'on parle de pierres, mais ça peut être toutes sortes de pierres. Alors, pour préciser sur la question précédente, la lithothérapie, en fait, c'est une technique de soin vibratoire qui va permettre en fait de soulager, guérir des maux émotionnel, physique ou même spirituel. D'accord, ok. Voilà. Et ça peut guérir ou soigner? Guérir, soigner, on pourrait dire ça comment? Est-ce que ça aide? Ça va être plus une béquille? Ça se transforme comment? Ça fonctionne comment surtout? Oui, ça fonctionne comment? Je pense que c'est ça la grande question. On le sait depuis longtemps, on le sait depuis Einstein et la physique quantique. En fait, tout est vibration. Tout objet, toute créature a une vibration, une longueur d'onde, on appelle ça. Donc les minéraux, eux aussi, donc ont leur énergie propre. Du coup, l'idée ici, c'est que le minéral, par son énergie, va entrer en résonance avec un organisme, l'organisme humain par exemple. Voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'il y ait une harmonisation vibratoire entre le minéral et le corps. Un peu une communication en fait, entre les deux. Oui, un échange énergétique, tout à fait. D'accord, et on utilise n'importe quelle pierre, un caillou qu'on trouve par terre par exemple, en se baladant où il y a vraiment des pierres spécifiques. Je ne sais pas si on peut utiliser un caillou qu'on trouve par terre. Je pense que la lithothérapie concerne plus les pierres, on va dire, semi-précieuses. Donc comme l'améthyste, le quartz, la citrine, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et semi-précieuse, donc on ne parle pas de diamants, de rubis ou... Si, simplement ce sont des pierres qui sont peu accessibles dans le portefeuille. Oui, c'est sûr. C'est très onéreux, on est d'accord. On est super content d'ailleurs que les pierres soient plus accessibles que des diamants ou des rubis. Et en fin de compte, chaque pierre, c'est ça que tu disais, il y a plusieurs pierres, donc chaque pierre peut guérir une certaine pathologie ou elles guérissent toutes de la même façon ou de la même manière? Quelle est l'action de la pierre, c'est ta question en fait. Ouais. Comment est-ce qu'elle agit? La pierre d'abord, elle a une action chimique. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant dans la lithothérapie. C'est qu'en fait, c'est pas basé sur quelque chose de purement subjectif. Il y a une démarche objective et médicale derrière, puisque dans chaque minéral, donc on a justement des minéraux. Donc, c'est-à-dire qu'on a donc des oligo-éléments aussi. Le cuivre, par exemple, qui est scientifiquement qui est prouvé, qui va pouvoir avoir une action antibactérienne, par exemple. Donc, dans la lithothérapie, on va choisir la pierre aussi en fonction de sa composition chimique. Ok. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, si, okay, pour l'instant, on suit. Et également, ce qui est intéressant dans les pierres, c'est qu'on a la chromothérapie. D'accord. Chaque pierre a une couleur spécifique, donc un rayonnement aussi vibratoire spécifique. Chaque couleur a une longueur d'onde. Et donc, en fonction de la couleur aussi, on va choisir cette pierre. Ah, d'accord. Donc, si je résume, elles ont leur couleur, leurs différentes ondes, leurs minéraux, leurs oligo-éléments. En fait, elles sont toutes uniques à part entière, quoi. Oui, elles sont toutes spécifiques. Spécifiques, d'accord. Ok. Et donc, si elles sont spécifiques, est-ce qu'elles peuvent guérir des pathologies spécifiques, par exemple? Oui. Ou soigner, tout simplement? Par exemple, on peut prendre un truc assez classique, les douleurs articulaires. Oui. Imaginons que vous ayez des douleurs articulaires au niveau du genou. Donc, on va choisir une pierre, on va choisir la malachite. La malachite, c'est une pierre plutôt verte, assez jolie, parfois rayée un peu de vert foncé. Et la malachite, en fait, sa composition chimique, c'est essentiellement du cuivre. Ah. Donc, le cuivre, effectivement, on se dit, ok, le cuivre, ça a d'abord une action plutôt antivirale. Mais en fait, en réalité, dans les oligo-éléments, le cuivre, ça soutient, ça aide tout ce qui est au niveau du collagène et de l'élastine. Donc, le collagène, c'est tout ce qui est lié au tissu conjonctif. Donc, on va utiliser cette pierre-là. Dans une démarche, encore une fois, médicale, parce que cette pierre contient du cuivre. Voilà. Et après, la deuxième démarche, c'est de considérer la couleur de la pierre aussi. Ah, d'accord, ok. Et en fait, tout à l'heure, tu parlais, Johan, de vibration. Ça veut dire que l'action de la pierre sur l'être physique que l'on est, ça vient de la vibration que la pierre... Enfin, ça veut dire que ce n'est pas simplement le contact avec la peau, il faut qu'elle bouge. Alors, en fait, la lithothérapie est fondée sur les chakras. D'accord. Donc, les chakras, beaucoup le connaissent. Bon, enfin, on connaît un peu plus ça maintenant. Les chakras, ce sont des centres d'énergie spirituelle. Et chaque chakra a une couleur spécifique. D'accord. Ça, les chakras se situent, on va dire, sur la ligne médiane du corps, mm-hmm. en partant du sommet de la tête jusqu'au pubis. On a, on va dire, les chakras ici. Donc on place souvent les minéraux en fonction des chakras. Chaque chakra a une couleur spécifique, la pierre a une couleur spécifique. Donc on va renforcer, par exemple, si on a des problèmes ORL ou des problèmes de gorge, on va poser une pierre bleue au niveau de la gorge, au niveau du chakra Vishuddha, chakra de la gorge, pour activer, renforcer la couleur et donc la vibration et l'énergie. De la sphère autour de la gorge et du cou. D'accord. Ah oui, on est encore inspiré, comme on avait fait dans la précédente chronique, du yoga, etc. Si c'est bien ce que je pense par rapport au chakra. Tout à fait, oui, oui. Non, mais la lithothérapie prend en compte vraiment toute la dimension vibratoire et spirituelle du yoga. Et est-ce qu'on sait d'où ça vient la lithothérapie ? Alors, la lithothérapie, on s'en sert en fait depuis la préhistoire. En fait. Ah, d'accord. On s'est toujours servi, on a toujours cherché des minéraux. Que ce soit pour des choses décoratives, esthétiques, mais on peut prendre, par exemple, la culture chinoise. Les Chinois utilisaient la poudre de marbre pour les maux d'estomac, par exemple, notamment la pierre de jade également pour soigner différents mal-être. Donc, c'est très, très, très. C'est finalement une culture qui est en nous, qu'on a oublié et qu'on réutilise depuis peu, que ça revient sur. C'est vrai que quand on y pense, les Égyptiens eux-mêmes pratiquaient déjà la médecine, on va dire. Par les couleurs et poser déjà des minéraux à certains endroits du corps. Ah, les, oui. Égyptiens avaient déjà cette culture et cette façon d'être. D'accord. Donc, ça remonte. Ils avaient une avance, on a un peu de retard qu'on est en train de récupérer petit à petit grâce à la chronique bien-être sur Radioactive. Absolument. Et combien de temps il faut poser une pierre sur un chakra pour que ça fasse effet ? Alors, le temps minimum, selon moi, ce serait à peu près une demi-heure. Je trouve qu'à partir de là, on a le temps de se relaxer, de se connecter aussi au minéral. Je tiens à préciser qu'on ne pose pas les minéraux uniquement sur les chakras. On est d'accord qu'aussi on va les poser sur les endroits où on a mal ou à l'intérieur des mains. C'est important, souvent on a aussi les mains qui sont très utilisées dans les paumes. Voilà, c'est aussi selon son intuition, bien sûr. Et la pierre, il faut qu'elle soit brute ? Ou est-ce qu'elle peut être polie, taillée, sous forme d'un bijou ? Ou est-ce que ça modifie quelque chose ? Parce que là, vous voyez, par exemple, moi, j'ai des jolies petites boucles d'oreilles améthystes. Ah, parce que c'était litho aujourd'hui, je le mais savais. Mais c'est joli. Ah, super. Et voilà, le fait de porter un bijou avec une pierre semi-précieuse, ça agit aussi ? Oui, car on voit souvent des bracelets, pour rebondir sur ce que tu dis. Beaucoup de bracelets, petites billes de pierre, en fait. On se demande leur efficacité aussi. Oui, alors... Ça fait plein de questions, là. Oui. On est gourmand. C'est une bonne question. Alors, par exemple, pour les bijoux, ce qui est intéressant, par exemple, des problèmes de sommeil, on va porter un collier autour du cou, on va le garder la nuit. Ça fonctionne, ça a une efficacité. Pour les bijoux, l'efficacité, pour moi, est limitée. C'est-à-dire que vos boucles d'oreilles, sans doute, sont peut-être serties avec un autre minéral, peut-être avec du nickel ou de l'argent. Oui. Donc, il y a soit un blocage qui peut y avoir par rapport au rayonnement de la pierre, soit un mélange qui n'est pas forcément adéquat. Donc, moi, l'intérêt vraiment efficacité objective, en fait, on va dire, elle est limitée. Mais après, on a des pierres aussi parce qu'on les aime, parce qu'elles nous accompagnent, en fait. Il y a aussi autre chose derrière, l'aspect psychologique. Voilà. Et puis la couleur aussi, enfin l'améthyste, moi je sais que c'est pas un hasard aussi si on m'a offert ces boucles d'oreilles là, c'est que j'ai des améthystes à la maison qui sont des vrais, qui sont pas taillés, qui sont, et j'ai toujours aimé cette couleur aussi, enfin c'est peut-être aussi un truc... Effectivement, l'améthyste c'est la pierre, on va dire, spirituelle par excellence, parce qu'elle est violette, ça correspond un peu au chakra coronal, le sommet de la tête, donc effectivement on a beaucoup de spiritualité et c'est une pierre très, très, oui, effectivement, très efficace quoi, sur bien des plans en fait, voilà. Et pour nos auditeurs, en fait, il y a quelques pierres comme ça, très connues. On parle d'émotion avec le quartz rose, etc. Est-ce que tu peux nous citer quelques-unes très connues ? On a envie de savoir, que les gens s'approprient un peu. Je sais qu'une fois, en catimini, tu m'avais dit, des fois, on ne choisit pas par rapport à forcément un soin qu'on a envie d'avoir, mais tout simplement, si on va à un stand de pierres semi-précieuses, si on en trouve une qui nous appelle, qui est dans le sens où on la trouve belle, un peu comme tu viens de dire en fait, si on la prend, il y a déjà effectivement un effet sur nous. Oui, effectivement, au départ, pour les gens qui s'intéressent aux pierres, qui veulent en s'en procurer, c'est comment on choisit une pierre finalement. Alors, Effectivement, on peut la choisir selon son intuition. Effectivement, ça nous plaît, on la prend. Mais attention à ne pas être dans ce qu'on appelle la pierre portrait. La pierre portrait, c'est-à-dire qu'on a une énergie en nous, on va choisir une pierre qui va renforcer notre énergie. Mmh. Mais cette énergie, comment dire, ça peut renforcer un chakra ou un aspect de nous, mais il est déjà fort, cet aspect. Donc parfois, il faut choisir une pierre qui, peut-être, selon certains conseils, qui tout d'abord ne nous attire pas forcément toujours, mais qui va travailler nos faiblesses et nos failles. Voilà, on peut avoir des faiblesses sur différents points, et les pierres sont là pour réguler, en fait, ce défaut, ou cette déficience plutôt, vibratoire. Et effectivement, dans le choix des pierres, voilà, on a le choix objectif, et puis le choix, effectivement, plutôt sentimental. Enfin... Et tout à l'heure, tu évoquais le bracelet. Là, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, ces petits bracelets qui ne sont pas forcément avec d'autres matériaux, ou alors des choses qui peuvent être très naturelles, très... voilà. Ça fonctionne, ça, selon toi, Joël? S'il y a une vingtaine de petites billes, par exemple, d'œil de tigre. Alors, parce qu'on nous entend parler beaucoup de ça, des billes d'œil de tigre, pour... j'ai cru comprendre, pour éloigner les influences. Voilà, les mauvaises ondes, c'est ce qu'on va surtout dire. Il n'y en a pas sur Radioactive, d'ailleurs. Mais il est très en forme aujourd'hui. Bien. Les gens n'ont pas tout, hein. Score antenne, il est très en forme aujourd'hui. Oui, oui, oui. Pas le sourire là, jusqu'aux lèvres. En fait, effectivement, quelle est l'efficacité réelle des pierres? C'est-à-dire que plus la pierre est importante, plus la pierre est imposante, plus elle aura d'efficacité, effectivement. Mais cette efficacité, elle est relative au sujet. C'est-à-dire qu'un bracelet, c'est quand même... Effectivement, on l'a toujours sur soi, mais ça reste aussi quand même des pierres fines qui sont roulées, en fait, donc qui sont quand même lissées. C'est pas la même chose qu'une pierre qui va être brute, justement, ou qui va avoir une forme spécifique. Mmh. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ondes de forme. Ce sont cette énergie... Par exemple, sous une pyramide, on a une énergie vibratoire plus forte que sous une autre figure géométrique, par exemple. La forme de la pierre a aussi son importance. Mais porter sur soi le bracelet, pour moi, une efficacité limitée, pour moi, selon moi. Mais aussi, on a l'effet psychologique. Si on aime porter cette pierre, c'est ça nous fait du bien. Il y a autre chose. Celui qui va trouver des effets, c'est peut-être un effet placebo, finalement. Voilà. Ouais. Ouais. Il y a un effet placebo qui est là, effectivement. Mais qui a toute son importance, quand même. Mais qui a une importance psychique, en fait. Ouais. Qui est quand même réel, même si le placebo. En fait. Mais au même titre qu'un autre bijou qui ne serait pas une pierre, bien qui sûr, serait oui. L'alliance de mon arrière-grand-mère et qui exactement. Fait qu'elle me porte bonheur. Oui, voilà. Mm. Mais l'ithothérapie va comprendre effectivement une dimension plus grande que le placebo. Donc tu parlais de taille adéquate, mais j'imagine qu'on ne vient pas avec une pierre de la taille d'un parpaing sur le thorax ou quelque chose comme ça. Il y a quand même une taille limitée à s'approprier. Enfin... Toi, quand tu travailles là-dessus, tu ne mets pas une pierre trop lourde sur une personne. Tu vas avoir vraiment des pierres d'une dimension, à dire, limitée, enfin, j'imagine, non ? Bah, oui, on ne va pas mettre des minéraux trop lourds, effectivement. Mais l'intérêt des minéraux qui sont beaucoup plus gros, comme par exemple une géode, c'est un peu un minéral avec une forme de grotte, de creux, ou des druses, ce sont des amas de cristaux très importants, c'est qu'on peut mettre des minéraux disposés autour de la personne. On va travailler sur l'aura, sur les corps subtils, ces choses-là. Okay. Voilà, il y a aussi ça, quoi. Ah, et moi, je voyais que poser des pierres sur la personne, non. Etc. D'accord, non, tu peux aussi avoir des pierres autour de toi, peut-être pour... Pour créer un cocon un peu vibratoire, et après, tu peux mettre certaines pierres sur toi, en plus. Faire un ensemble. Voilà, c'est ça. Ok. Cela dit, Antoine, si tu poses un parpaing sur ton torse, à mon avis, en l'enlevant, tu sentiras quelque chose de positif. C'est un soulagement. C'est un soulagement. C'est possible. Et on parle de quartz rose pour des problèmes de cœur. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, effectivement, le cœur, donc le chakra du cœur, on va souvent lui apposer des pierres soit roses ou vertes. Effectivement, le quartz rose, par sa couleur, le rose, c'est la tendresse, c'est lié au cœur, voilà. Donc on va apposer cette pierre sur le cœur. On peut effectivement se mettre en état, si on peut en tout cas méditatif, en tout cas respirer, prendre le temps de respirer, essayer de communiquer avec ce cristal, sentir ses vibrations et essayer de se soulager. Bon, après, une peine de cœur, ça ne durerait pas en un jour, on est d'accord. Mais les pierres peuvent être un soutien supplémentaire. Oui. Oui, mais surtout ça. Pour moi, tu as soulevé quelque chose qui est très important en sophrologie, c'est ce soutien, en fait, quel qu'il soit, il est important, en fait. Trouver le soutien dans n'importe quelle thérapie, pierre, et là, tu parlais de respiration et d'intention, parce que tu mets de la respiration, de l'intention, plus l'effet du minéral. Donc, la lithothérapie a toute sa place dans le bien-être, et ça, c'est génial, en fait. Tu as d'autres pierres comme ça que tu pourrais nous dire, on va dire, de tes grands classiques? Puis le truc très classique aussi, du collier d'ambre pour les bébés, les bracelets d'ambre, ou de... ça fonctionne, ça fonctionne, ça. Ouais. Ça fonctionne. bah, y en a vraiment qui le constatent et ça fonctionne. Quoi. Ouais. Et pourtant, le bébé n'a pas forcément d'intention. Oui, c'est ça. Ouais, c'est fou. Hein. Et c'est quoi, du coup, le bienfait de l'ambre? Bah, on va laisser Marlène répondre à ce sujet, qui semble être experte aussi. Alors moi, je n'en ai jamais mis à mes enfants, donc je ne suis pas du tout experte. Mais je crois que c'est pour les douleurs quand ils font leurs dents. Oui, et aussi lié à la peau aussi, je crois, et également aux allergies. Je ne suis pas expert sur toutes les pierres non plus. Hein. Oui. C'est pas une pierre que j'utilise, en fait, pour être honnête. L'ambre, ils sont sur moi ou sur les personnes. Donc. Mais oui, je sais qu'en tout cas, ça a été prouvé. Mais quand tu vas te balader sur un marché et que tu vois une étale avec un marchand de pierres, comment tu peux savoir que la pierre, elle est... Elle n'a pas été traficotée, je ne sais pas, moi, enduite de je ne sais quelle... Alors, tu vois, comment on peut être sûr que la pierre qu'on détient, elle a cette pureté? Alors déjà, effectivement, il y a ce risque de contrefaçon. Il y a beaucoup de contrefaçons, notamment, par exemple, l'exemple de la turquoise. Vous allez voir, c'est une pierre, vous dites, oh, c'est une turquoise, et elle n'est pas chère, super. Mais en fait, non, c'est un agglomérat un peu de plastique, et c'est coloré, teinté. Et donc, au niveau du poids, on peut voir la différence. Donc ça, déjà, c'est important d'avoir affaire à un marchand, on va dire, honnête. Oui. C'est déjà important, les contrefaçons, il en existe sur certaines pierres. Comme, par exemple, également les améthystes. On a des améthystes qui sont chauffés vraiment, et qui sont, on sait qu'ils deviennent ensuite des citrines. C'est des pierres jaunes, très transparentes. Donc attention à ces contrefaçons. Oh. Voilà, premièrement. Deuxièmement, l'énergie. Ta question, du coup, c'était sur... Comment être sûr de ne pas se faire arnaquer en prenant une pierre... Contrefaçon. C'est le marchand. Non, mais après, la contrefaçon, voilà. Non, je crois que ta question, c'était sur est-ce qu'on est sûr de son énergie, si elle n'a pas été aussi... Ah oui, fabriquée, oui. Mais où... Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas non plus tant de contrefaçon que cela. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pierres qui sont aussi abordables, parce qu'elles sont, encore une fois, petites, lisses, roulées. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose qu'une pierre qui est taillée ou facétée, par exemple. On a une qualité vibratoire énergétique beaucoup plus imposante. Ah ouais. Donc moi j'aime bien justement les pierres souvent qui sont taillées en pointe. Mmh. Les quartz pour tailler en pointe, j'utilise régulièrement ça en fait. Mmh. Pour disposer autour de la personne ou autour de soi-même. Parce qu'on oriente l'énergie en fait avec une pointe. Mmh. Ça c'est important aussi. Et on peut aussi concentrer, mettre plusieurs pointes de quartz autour d'une pierre située sur un chakra en particulier. Et là, on augmente l'aspect énergétique. Voilà. Ah ouais, c'est incroyable. Donc, avoir plusieurs pierres aussi, ça permet quand même de créer des assemblages intéressants. Mmh. Là, on est absorbé. C'est passionnant, c'est passionnant. On est absorbé par. On n'a pas envie que tu t'arrêtes. En fait, tu mais peux... non, parce que là, on est en train de se dire. Donc, on a parlé du quartz rose, donc qui va être lié au cœur. On a parlé de l'améthyste, où là, on est plutôt sur quelque chose de très spirituel. Oui, et effectivement, oui. Comme disait Antoine tout à l'heure, tu as d'autres exemples comme ça. Tu nous as parlé quand on a mal au genou, je ne sais plus. La malachite. La malachite. Oh, voilà. Pour le sommeil, parce que c'est quand même un trouble qu'on retrouve énormément, est-ce qu'il y aurait, hormis un collier, parce que ça peut faire peur à beaucoup de gens d'avoir un collier autour du cou pour dormir, mais avoir une pierre sur sa table de nuit... sous son oreiller. Ou sous son oreiller, voilà, si elle n'est pas trop pointue. Ah, mais sous l'oreiller, elle n'est pas en contact avec ta peau, elle n'est pas en contact avec toi. Est-ce que sa seule proximité va suffire? Il y en a qui mettent effectivement leur minéraux un peu derrière, enfin sous l'oreiller. Ça me fait penser un peu à la petite souris avec la dent, mais j'y crois pas trop sur un aspect purement objectif. Pour moi, c'est plutôt psychologique ici, l'intérêt. Mm-hmm. En fait, le sommeil, un problème, bah, faut savoir d'où il vient aussi. Le sommeil, ça peut être parce qu'on est stressé ou angoissé, oui. Donc on va plus favoriser des pierres avec du magnésium ou du lithium. L'épidolite, par exemple, c'est une pierre violette. Contient beaucoup de lithium, et le lithium, c'est vraiment... Dans les oligo-éléments, le lithium, c'est un antidépresseur. Donc, par exemple, on va choisir cette pierre en fonction, encore une fois, des éléments qu'elle contient. Donc, tu conseillerais, par exemple, une personne pourrait faire quelques exercices de respiration en plus avec une pierre, par exemple, sur le front, sur le thorax, ou n'importe quel endroit approprié pour... Je crois que c'est ça qui est important, effectivement. C'est d'allier plusieurs éléments. En fait, le bien-être, il est exponentiel. Si, par exemple, vous prenez juste un minéral, vous ne faites rien. Très bien, vous avez un début de soin. Vous rajoutez la respiration. Puis, vous rajoutez un peu d'encens. En fait, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Il y a une ambiance vibratoire. Et en plus, ça fait synergie, en fait. Oui, bien sûr. Il faut vraiment associer les minéraux à la respiration. Ça, je trouve que c'est essentiel. Oui. Voilà. Bah, c'est bien, ça donne beaucoup de... Ouais, ouais, ouais. Non, puis du coup, ça me pose aussi une question. Là, on parle de pierres. Moi, je me demandais si ça fonctionnait aussi avec des végétaux, par exemple, parce que là, on parle de minéraux, de pierres. Moi, j'ai une tante qui me disait, quand j'étais petite, j'allais passer je ne sais plus quel examen, elle m'a dit « mets un brin de persil sur ton cœur ». Et elle dit « tu vas voir, ça va t'enlever ton stress, peut-être des croyances, des choses comme ça, mais Est-ce que ça fonctionne avec un végétal? Eh bien, en fait, j'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais Tu te l'es posé déjà? Non, justement. C'est très intéressant. Le végétal, effectivement, a forcément une empreinte vibratoire. Je suis pas forcément... Enfin, j'ai pas cette approche-là, donc c'est vrai que je suis resté dans mon approche. C'est très intéressant, du coup, ça pourrait être le sujet d'une prochaine chronique, peut-être. On va te demander de faire des recherches et puis tu reviendras. La végétothérapie. Non, mais je crois qu'il y a, moins sur la lithothérapie, je pense qu'on peut faire largement plusieurs chroniques de ce que tu m'as parlé, certaines pathologies bien spécifiques, etc. Quoi. Mais on pourrait pousser le sujet effectivement plus loin. Il y a de nombreux protocoles lithothérapeutiques pour tout type de maux. Ouais, ce qui est intéressant vraiment pour moi, c'est que comme lorsqu'on est malade ou enrhumé, on va avoir un taux vibratoire un petit peu déséquilibré. Et vraiment l'intérêt de la lithothérapie associée à la respiration, au yoga ou à la sophrologie, c'est de relever un peu comme ça, de soutenir le niveau vibratoire. C'est ça qui est vraiment intéressant en fait. Et pour rester au moins dans un état de santé, de bien-être, pas trop... voilà. C'est super tout ça. Est-ce que tu as d'autres petites pierres pour nos auditeurs qui pourraient s'approprier comme ça, des grands classiques comme le quartz rose, etc.? Alors le quartz rose, oui, on a dit la citrine, j'aime beaucoup la citrine. C'est une pierre jaune, relativement chère, mais très transparente, translucide, magnifique. Ouais. Une pierre solaire, lumineuse, moi j'utilise ça justement. Donc c'est une pierre vraiment qui va stimuler à la fois l'intellect, la concentration, mais vraiment l'énergie globale, puisque c'est le jaune, c'est ça, hein, c'est l'énergie, la vitalité, et la bonne humeur et la joie, très important aussi. Plus la pierre en fait est translucide, plus la pierre capte de la lumière, et donc de l'énergie. Donc ça c'est important aussi, la qualité de la pierre, d'où des fois le prix de certains minéraux. Voilà, la citrine c'est une pierre que vraiment j'affectionne particulièrement, par exemple. On a aussi la tourmaline qui est assez intéressante, une pierre noire, un peu plus une pierre d'ancrage ici. C'est plein de pierres que je connais pas du tout. La tourmaline, des noms super mignons en plus. Je me suis intéressée aux minéraux plus jeunes. J'ai des collections de pierres. Rien de ce que tu dis là. C'est des pierres assez fréquentes quand même qu'on retrouve. C'est pour ça. Alors moi j'en ai des beaucoup plus complexes. Peut-être non, mais je connais. Oui. Non, mais je pense à la fluorine. Voilà, c'est fluorine un peu vert et violette un petit peu. Il y a des nuances. La fluorine, tout à fait. Non, mais voilà, après, c'est un travail aussi de sensibilisation, en fait. Il faut être un peu sensible à Et toi, tu as des rituels? Alors là, tu nous as parlé de la citrine. Tu as des rituels avec ta citrine? Tu te dis, tiens, comme par exemple Antoine qui fait ses exercices de respiration au quotidien, est-ce que toi, tu as ton petit moment minéral, ton petit moment de litho qui est ritualisé aussi? Mais oui, parfois, je m'allonge simplement, je mets cette citrine que j'ai, du coup, qui est en pointe. Et j'oriente la pointe vers le bas, en fait. Je la mets au niveau du plexus solaire ou du nombril. Et je la mets vers le bas pour essayer aussi de diriger mes énergies vers la Terre, pour m'ancrer plus, en fait. Toujours ce rapport à la Terre. C'est on y revient souvent, mais excuse-moi. Rien que les minéraux, c'est la Terre. Les minéraux, c'est solide, c'est immuable, en fait, quand on y pense. Est-ce qu'on connaît ce que peut soigner un gros diamant? Non, je ne sais pas. La pauvreté. Oui, il y a la pauvreté. Mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des minéraux, je crois, générateurs, je crois que c'est le nom. C'est des minéraux énormes, c'est-à-dire qu'on peut pour les souffler 100, 150, 200 kilos, en fait. Mais bon, moi, j'ai pas ça, quoi. Chez moi, en tout cas. Mais juste, c'est plus dur de travailler sur son corps, sur soi. C'est plus dur d'individualiser peut-être le travail, en fait. Okay. Avec des pierres qu'on va choisir, avec des formes, des couleurs, encore une fois, spécifiques. C'est très important. Il faut en prendre soin de ces pierres? Oui, c'est important. En fait, les pierres, en fait, leur qualité vibratoire, énergétique, elle va dépendre aussi de leur efficacité donc thérapeutique, de la pureté de la pierre. C'est-à-dire qu'une pierre qu'on va utiliser pour un soin, elle va se charger d'énergie négative. Donc après, on va effectivement procéder à des purifications. Donc souvent, dès qu'on vous achète une pierre chez quelqu'un ou un marchand, vous prenez votre minéral, vous passez le minéral sous l'eau courante. Combien de temps? 2-3 minutes, pas plus. Voilà. Déjà, ça s'enlève vraiment tout ce qu'on appelle les scories, les éléments un peu négatifs, les imprégnations émotionnelles. Voilà. Et puis la pierre, en plus, a été aussi taillée. C'est-à-dire qu'elle a été agressée, puisqu'on l'a retirée de sa gangue minérale. Donc c'est très important. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. La pierre a une histoire. On peut aussi s'interroger sur cette pierre. Quand on médite, on peut questionner d'où elle vient. On peut s'adresser à elle comme à une personne. D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Pour qu'elle nous parle, en fait. Après, on est sur des croyances, Et voilà, donc on est sur une matière archaïque, ce sont des minéraux. Donc du coup, effectivement, donc on a d'abord l'eau courante, c'est ce qu'il y a de plus classique. On a aussi les fumigations, donc tout ce qui est encens ou sauge, hein, pour purifier la pierre, et puis surtout la lumière du soleil. Les laisser au soleil, c'est ça. Au soleil. Alors, mais il y a des précisions, c'est-à-dire que si on laisse au soleil, il y a des pierres qui n'aiment pas le soleil, et d'autres qui aiment plutôt la lumière lunaire. Mais souvent, la lumière, en général, ça marche. Attention à ce qu'elle ne soit pas trop forte, parce qu'une pierre s'abîme aussi. On a aussi les solutions salines, donc avec un peu de sel, mais pas trop aussi, pour ne pas agresser la beauté de la pierre. Et le mieux aussi, c'est d'avoir une géode, donc une espèce de grosse pierre en forme de creux, de grotte un peu, et on va pouvoir insérer le minéral à l'intérieur. Mais bien souvent, les géodes, ce sont des géodes d'améthyste, donc ces grosses améthystes qu'on voit qui sont grandes, et on va poser des pierres. Mais attention, imaginons que vous vouliez travailler sur l'ancrage. Vous vous dites, tiens, j'ai un grenat, pierre rouge pour l'ancrage, chakra racine. Je vais recharger mon grenat, et donc je vais mettre mon grenat à l'intérieur de la géode. La géode, elle est faite d'améthyste exclusivement. Donc, elle va avoir tendance à attirer la pierre vers la spiritualité. Donc, on va avoir un conflit un peu chromatique ici, au niveau des couleurs. Donc, attention aussi à ça, en fait, aux couleurs qu'on associe ou pas. Et à ce qu'on veut faire comme travail. Quelle est notre intention dans... Voilà. Ah, c'est tout un savoir. Oui. Et tu aurais un ouvrage à nous conseiller ou peut-être même un site internet, je ne sais pas, pour avoir des conseils, si on a envie de creuser cette question-là? Bah, si je peux me permettre, je crois qu'il y a même un peu mieux. Il n'y a pas un projet que tu aurais en cours? Oui, il y a un projet, effectivement, pour le mois de septembre. Du coup, ce sera un projet de formation, effectivement, en lithothérapie. Que toi, tu proposeras? Oui, je proposerai, effectivement. Alors, soit sous forme d'atelier mensuel, c'est pas encore précisé, soit sous forme de week-end. Pour vraiment comprendre, expérimenter la lithothérapie. Et voilà. Oui, je crois que c'est vraiment la lithothérapie de A à Z, c'est-à-dire d'abord comprendre ce que c'est, s'en servir pour soi, pour les autres, etc. C'est vraiment une formation complète que tu proposeras quand on aura réglé tous les... Les petits détails techniques. Petits détails. Cette formation, ce qui compte, le secret, c'est l'entraînement, en fait. Donc après, il y a toujours de la pratique, puisque c'est en pratique. Hein. C'est comme dans le yoga, la sophrologie. On ne peut pas avancer... Non, il faut toujours travailler. Voilà. Donc c'est théorique, mais aussi pratique, ce sera. Voilà. Quand il y a un salon des minéraux, tu y cours, toi, non? C'est pas le genre d'endroit où tu vas... J'ai pas trop fait ça encore actuellement, parce que j'avais pas forcément un peu du temps pour. Mais là, je vais commencer effectivement à faire ça. Notamment, il y a un salon des minéraux très très connu, pas loin de l'Alsace. C'est un des plus grands salons des minéraux. Donc voilà, c'est très bien aussi d'aller voir ces salons pour se confronter, entre guillemets, confronter en tout cas aux minéraux. Quoi. C'est déjà très joli en plus. Ah ouais. À voir. Ah bah oui. Oui, ah oui, c'est vrai. Ouais. Couleurs, c'est vrai que toutes les couleurs sont toujours appréciables. Et t'en achètes souvent? Attends, l'émission n'est pas finie, encore plein de questions. Alors en fait, c'est vrai que les achats doivent être pertinents, parce qu'effectivement, je trouve que c'est quand même relativement cher. Enfin, en tout cas, c'est l'avis que j'ai. Oui, mais t'aimes ça. T'as une appétence pour ça. Donc je t'imagine, devant un stand, tu dois avoir... Il y en a une qui t'appelle, forcément. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, il y en a, sont tellement magnifiques, on a envie de... Oui, oui, il y a la forme, il y a les couleurs, c'est vrai que c'est toujours très visuellement, c'est satisfaisant, si on peut dire ça comme ça. J'en achète, mais c'est pareil, ça va être en cours, je vais en acheter un peu plus, du coup, vu que je vais commencer les formations, je vais m'en procurer vraiment des... Voilà, là, je réfléchis et je vais... Voilà. c'est passionnant. Mais oui, effectivement, oui. On a hâte que cet atelier, ce qu'on peut dire atelier, en fait, commence. Voilà, donc à Nazel Negron, à Sage Davidson. Tiens donc, comme toi. Exactement. Ah, vous allez être collaborateur un petit peu, quelque part. On partagera des lieux, voilà. Super. Tout à fait. Donc j'ai une question pour Antoine, du coup. Comment pourrait-on associer la sophrologie et la lithothérapie, selon toi? Je crois qu'on y a partiellement répondu tout à l'heure. Je pense que, comme toi, c'est que plus on multiplie les chances, c'est un peu comme les bases de bien manger, bien dormir, un peu marcher, avoir une activité sociale, ça serait pareil. C'est-à-dire multiplier sa séance, c'est-à-dire de prendre une pierre qui convient. Si on s'est renseigné avant, je pense que c'est mieux. Si elle nous appelle et qu'elle nous plaît, c'est très bien. Mais tout simplement la mettre là où on le sent. Peut-être, moi si je le faisais, je pense que je la mettrais sur la poitrine. Ce serait là où je me sentirais le plus à même. Et donc justement, de focaliser mon attention sur la pierre et de respirer profondément par le nez et de détendre vraiment petit à petit, donc toujours cette lecture corporelle de la tête jusqu'aux pieds, et après fixer son attention et son souffle que sur la pierre. Et je pense que je ferai déjà 5 minutes pour commencer, et après laisser sa respiration aller tout seul jusqu'à jusqu'à, effectivement, on peut aller 10, 15, 20, 30 minutes pour avoir vraiment un effet complet. Et ça serait une sacrée séance de sophrologie et j'aimerais d'ailleurs m'associer à toi sur une séance un jour où on pourrait allier Pierre et séance de sophrologie. Eh bien, ce sera avec plaisir. Franchement, je pense que ça peut être un bon moyen d'explorer aussi nos pratiques respectives. Ah donc, oui. Tout à fait. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai expérimenté il y a un an. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai participé à un voyage sonore. Et vous savez ce que c'est, les voyages sonores ou pas? Je ne sais pas, peut-être pas. Ici. Moi, je fais des voyages sonores à peu près tous les jours de la semaine au travers des émissions sur Radioactive. mais non, je... Non. C'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement cette idée de relaxation. Donc, on a un groupe de personnes qui vont simplement s'allonger, se relaxer. Et on va avoir ici des instruments de musique ethniques, bien souvent, bien sûr, qui... Donc on a ces vibrations des instruments et j'ai associé ça avec les minéraux. C'est-à-dire qu'on a fait un voyage sonore, une guidance, si vous voulez, une guidance, à travers donc, le minéral. Donc ils avaient, chaque personne avait un minéral sur la poitrine et dans les mains. Et on a associé effectivement ces minéraux avec les instruments de musique, la vibration des instruments de musique. C'est ça qui est intéressant, c'est l'association. Donc pour la sophrologie, voilà, c'est, ouais, bon, ça, fait, ça y ressemble beaucoup. Encore une fois, là, complémentaire. Voilà. Voilà. Ouais, bah, ça promet. Ça promet une rentrée pleine de bien-être, encore. Carrément. Et puis, une petite pensée pour Claire Tan, notre prof de yoga qui était avec nous lors de la dernière chronique, parce qu'elle a aussi beaucoup de sensibilité vis-à-vis des pierres. Ah, oui, c'est oui. Quelque chose qui lui plaît beaucoup également. Un petit clin d'œil. Comme quoi, voilà. Mais je pense que même à trois réunis, on fera des super week-ends bien-être de toute façon. Eh bien, merci beaucoup, Johan, d'avoir répondu à l'invitation d'Antoine sur Radioactive aujourd'hui. Oui, merci, c'était un honneur. Ben, merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci à toi. On a appris plein de choses. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain, Antoine. Oui, le mois prochain, encore pour une nouvelle chronique, une nouvelle émission. Et voilà, plein de surprises. Eh bien, c'est noté. Alors, au mois prochain. Au revoir. Au revoir.